Avui és un programa especial de Olala Music, un programa variat d'artistes diversos, un programa d'aquells que nosaltres anomenem de vacances. No hi som, per tant, us oferirem una bona selecció de música a càrrec de diferents protagonistes que ens acompanyaran. Espero que entre ells hi sigui el que us agrada, entre ells i elles hi sigui el que us agrada, els cantants que voleu, la música que desitgeu. Olala Music, un programa de música en francès amb Rafael Corbí. Avui comencem escoltant a Jacques Brel, però continuarem amb Philip Clay, amb Eddie De Petro, amb Michel Jonas i amb Leo Ferrer. Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Mon cœur, ne t'emballe pas. Fais comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été. La Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller. Souviens-toi qu'elle t'a déchiré. La Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous mes mains, restez tranquille. C'est un chien qui nous revient de la ville. Mathilde est revenue. Et vous mes mains, ne frappez pas. Tout ça ne vous regarde pas. Mathilde est revenue. Ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus. Mathilde est revenue. Vous mes mains ne vous ouvrez pas, vous mes bras ne vous tendez pas. Sacrée Mathilde, puisque te voilà. Mère, arrête tes prières, ton Jacques retourne en enfer. Mathilde, mère revenue. Bounia, apporte-nous du vin, celui des noces et des festins. Mathilde, mère revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de drap. Mathilde, mère revenue. Amis, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois. Ma belle Mathilde, puisque te voilà. Festival d'Aubervilliers, les rues sont lavées, essuyez vos pieds, emmenez vos dames. Allongez, allongez vos tickets d'entrée, sors ton nez sous l'oreiller, allume tes quinquets, fais-toi une beauté, laisse tomber Paname. On va s'en, payer, sous ta jupe et ton chandail, oh, quel beau travail! Je te signerai un bail sans faire le détail, ma jolie canaille. Un carrossé fouette coché, allons réveiller nos gambettes rouillées. Bonjour messieurs dames, envoyez la tournée pour le vrai, le vrai Festival d'Aubervilliers. Je vais t'offrir aux frais de l'Orphéon un petit pas de Black Button. Et si t'as le cœur qui chavire un brin, viens dans le coin derrière le crin-crin et de soin. Festival d'Aubervilliers, le bal effronté, retrousse le quartier, parlez d'un ramdam. Faites passer, passer la monnaie. J'ai plus le rond pour bastringuer, mon or s'est taillé par le bout de mes pieds en plein macadam. Envoyez le cocher, on va s'en retourner. T'as les cheveux embroussaillés à tourbillonner. On va se faire une veillée pour bien se choyer, ma petite tête de fée. Bien le bonsoir, la société. Et chaque mois de juillet, faut nous expédier un petit télégramme pour se payer une virée dans le vrai, de vrai Festival d'Aubervilliers. Tu seras viril, mon kid. Les dues primeres propostes per al programa d'avui que ens han acompanyat amb Philip Clay i amb Jacques Brel. Què dir de Jacques Brel? Coneixeu tots els que seguiu aquest programa, cantant belga, músic en francès, nascut el 1929 i que ens va deixar el 1978, unes cançons famoses per la poesia i l'honestedat de les seves lletres. Escoltàvem Matilda. I Philip Clay, que també ens acompanyava, va néixer el 1927 i va morir el 2007, va ser un artista de mim, cantant i actor, i sobretot perquè era molt alt, també se'l havia conegut per la seva alta alçada, 1,90 m, crec que havia llegit que feia. Festival d'Aubervilles era el tema que escoltàvem a càrrec d'en Philip Clay. Després d'ells, com us havíem dit, Eddie De Petro, un personatge nascut a Creixell, a la Val de Marne, i que ens porta aquesta cançó anomenada Kid. Després també escoltarem la música de Michel Jonas amb Guigui. Surpassé, tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni les airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais, si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi, ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent, sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tous sens, des fils raptaires et dopés de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Un jove personatge que ens ha acompanyat amb aquesta cançó va néixer el 1993, Eddie De Preto. Es portava aquesta cançó. Com comentàvem, un altre dels protagonistes d'aquest programa eclèctic d'Olala Music, variat en música, és nascut a Trancy el 1947, és Michel Jonas. L'escoltem, aquest compositor, excel·lent cantant i també actor, i que, entre d'altres peces, va compondre aquell Le Bot de Jazz, Les Journées de Blues i Les Vacances au Bord de la Mer, es deia aquella cançó. Això és Guigui. Guigui, ma petite Guigui, je m'embête. C'est à cause que dans ma tête ça cogne. Des fois j'ai mal. Il y a des loups. Quelquefois une belle fanfare, des trompettes et des troupeaux de crocodiles qui font les cœurs. Des fois j'ai peur. Guigui, ma petite Guigui, je me roule dans l'herbe et l'herbe saoule, c'est bon. Des fois j'obéis presque tout et je craque des allumettes, tire les plumes d'une alouette. Guigui, je sais plus qui tu étais, ma sœur, ma mère. Guigui, je me roule dans l'herbe et l'herbe saoule, c'est bon. Des fois j'oublie presque tout, sauf qu'à cause que tu me manques des neutrons ou des neurones, je sais plus. Un jour des tours ou du tambour et je craque des allumettes, tire les plumes d'une alouette. Guigui, je sais plus qui tu étais, ma sœur, ma mère. Avant de passer l'arme à gauche, avant que la faune me fauche, tel jour, telle heure, en telle année, sans fric, sans papier, sans notaire, je te laisse ici l'inventaire de ce que j'ai mis de côté. La serviette en papier où tu laisses à ta bouche ma mèche de cheveux quand il n'était pas gris, mon foulard, quelques plumes et cette chanson louche avec autant de mots que nous avions de nuit. L'oreille de Van Gogh, la pipe de Balzac, cette armée d'anarchie et ses fanfares blêmes, le cheval qui travaille avec son petit sac où dorment des prairies d'avoine et de carême et de carême. L'on l'enfer de Monsieur Dante, où je descends ce soir un paquet vide de Celtic. Sur la table, quelques stylos habillés au roulement d'espoir, avec dans leur roulis des chansons formidables. Le pick-up du tonnerre et les gants de la pluie, la voix d'André Breton, l'absinthe de Verlaine, les âmes de nos chiens en bouquet réunis et leurs paroles dans la nuit comme une traîne, comme une traîne. Le zinc de ce bistrot, nous perdions nos gueules, cette affiche où nos yeux écoutaient des bravo, cette page d'annonce où s'ennuie toute seule notre maison avec mes rêves en in quarto. Avant de passer l'arme à gauche, avant que la faune me fauche, tel jour, telle heure, en telle année, sans fric, sans papier, sans notaire, il est bien maigre l'inventaire de ce que j'ai mis de côté. Mais je te laisse ça comme une chanson tendre, avec ta fantaisie qui fera beaucoup mieux. Et puis ma voix perdue que tu pourras entendre en laissant retomber le rideau si tu veux. Leo Ferrer, nascut a l'agost del 1916 i que ens va deixar el 14 de juliol de 1993 amb la seva música, compositor, cantant, poeta, novel·lista i un dels més grans de la música francesa, tot i que tampoc era francès. Bé, en aquest cas potser sí una mica, perquè és de Mònaco, recordem. Després de Le Testament des del 1970 amb Leo Ferrer, continuarem amb Enrico Macias, que ens portarà a una cançó anomenada Enfants de tu país, una cançó d'aquest cantant que, de fet, era jueu, era francès, però d'origen argelí. Va néixer l'any 1938. Enfants de tu país, tendez vos mains, meurtrisse, mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains, ne frissonnez l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de tout peuple, vous avez dans le cœur notre bonheur. Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. Enfant de tout pays, tendez vos mains, sauvez l'amour et puis donnez la vie. Le jour où l'amour sur la terre deviendra roi, vous pourrez vous reposer. Lorsque la joie couvrira nos prières, vous aurez droit à votre héritage. votre empire feront du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez, mais l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur votre bonheur. J'avais suivi comme un chien jusqu'à son heure dernière. Au boulot, vaille que vaille, on creuse, on pioche et l'on taille par les champs et la rocaille, immense route du rail. On construit un éventail qui par Rome ou par Nanterre grandit comme la semaille sur tous les coins de la terre. Dès que paraît le matin, les sirènes nous appellent. On oublie le mal de rein, on n'est pas des demoiselles. Ré-hop, ré-hop. Chaque jour, maille après maille, grandit le chaînon du rail. Attachés à la ferraille, en cœur tout le monde braille. Ré-hop, ré-hop. Je vais le long du chemin, la musette en bandoulière. Je repars toujours plus loin, jusqu'à mon heure dernière. En trop vieux pour le turbin, je ne pourrais plus rien faire. En voyant passer les trains, je viderai quand même quelques verres. Així escoltem música, així escoltem diversos artistes que ens acompanyen a través del nostre espai. És la bona música, la bona companyia de Hola La Music amb Rafael Corbí, el programa de música en francès. Us ho hem dit al començar, que avui era un programa més eclèctic. Després Enrico Macias amb René Luis Laforge, amb el Puget d'Orails, i aquesta cançó, Tu pour ma vie, de la French Girl, de l'excel·lent cantant francesa, de l'accent cantant parisina. És el moment d'escoltar l'Àngel Rodríguez, a veure quina sorpresa ens porta aquesta setmana. Àngel Rodríguez, a Hola La Music. Hola, què tal, Rafael? Encantat un cop més d'estar amb tu en el teu programa de ràdio, Hola La Music. Amel Bachir es fa dir artísticament Amel Ben, de mare marroquí i de pare argelí, va néixer el 1985 a Joletour, a la regió de la Vall del Loira. Va saltar a la fama l'any 2004 en el programa Nouvelle Star de la cadena M6 de la televisió francesa. El seu àlbum, titulat Un jour d'été, va vendre 600.000 còpies només a França. L'escoltem avui amb la peça Si on te demanda, que és la cançó promocional del seu sisè àlbum. Un tema sorgit l'abril de 2018. Ma vie est une série qui n'a pas de fin. Tu me trouves trop consignante, oui je le sais bien. J'essaie de rester souriante, ça maquille les chagrins. Et je dessine des cœurs sur les ratures. Je repeins mes peines au passé. Comme à 20 ans, rien n'a changé. J'en ai écrit des je t'aime sur les murs. Ramé contre vent, les yeux secs, la voix est raillée. Si on te demande, est-ce que je vais bien? Dis-leur que je suis mère, jamais une mère ne se plaint. Si on te demande, quand est-ce que je reviens? Dis-leur que je suis là, quelques stations de train. Si quelqu'un te raconte que je me prends pour une star, je ne vaux pas mieux que toi. Si quelqu'un te demande si je suis franche tout le temps, dis-lui que d'où je viens, on ne fait pas semblant. J'en ai vu battre des cœurs sous les armures, souvent des gamines perdues, des bandits qui sont pas si durs. J'en ai écrit des je t'aime sur les murs, ramé contre vents et marées. Je sais que la voix est raillée. Si on te demande, est-ce que je vais bien? Dis-leur que je suis mère, jamais une mère ne se plaint. Si on te demande, quand est-ce que je reviens? Dis-leur que je suis là, quelques stations de train. Si on te demande, je suis là. Parce que t'as les yeux bleus, que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu. Parce que tu as 20 ans,

marché aux puces et du ciel à la traîne, à la traîne. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tu es parti comme Peter Pan. Gouttière s'émerveille, tu es fait pour voler. Ton âge, passage de guerre, voyage de mage étranger, tu es fait pour. Genial aquest tema que ens portava en Calagagó. L'havíeu escoltat ja en diverses ocasions amb el nostre programa. T'he fet Pau Voler. Abans Charles Aznavour, en parts que... I ara una cançó del 1933. En Jevu, Damià. Maria Lluís Damián, coneguda com a Damià. Tan sols, en escola del 1889. Després, Tino Rossi, Antoine, Kimonko, Apel. Són cançons d'Ola La Music. Et puis croire, c'est mon droit, quand je bois, c'est par crise, au hasard du cafard. Savent-ils tous ces gens qui se croient intelligents, qu'on a l'air méprisant, ils m'insultent. Et que j'en meurs. Non, quand on est ivre de douleur, bon, mais si l'on boit pour oublier, on est plus digne de pitié. On vous jette au ruisseau, ça fait rire les badauds. Et si quelqu'un là, dans la foule, me plaint, j'entends soudain, oh, elle est sourde. J'avais un cœur pourtant, une âme douce et tendre, et pour un seul amant, tout est réduit en cendres. Alors que m'importe la vie, laissez-moi crever comme un chien. Pour moi, l'existence est finie. Mon cœur est mort. Je n'y peux rien. Grise, je suis grise. Et puis quoi, c'est mon droit. Quand je bois, c'est par crise. Au hasard du cafard. Des rumeurs et du bruit des villes, loin des joies et des plaisirs futiles, tout le long de la route tranquille, le soleil et moi n'attendons que toi. Toi que mon cœur appelle, viens, la vie est si belle, le printemps chante dans la campagne, le soleil fait de l'œil aux montagnes. Viens, car ma chansonnette chante un refrain de fête. Ne reste pas sous un toit, viens vite chanter avec moi. Chantons une ritournelle, chantons que la vie est belle, chantons car la vie c'est de la joie. Ah, il ne faut surtout pas qu'on hésite.

toi. Je n'écoutais pas. Crois-tu que je n'écoutais pas? Crois-tu que je n'écoutais pas? Crois-tu que je n'écoutais pas? Mon seul amour, embrasse-moi. Un excel·lent artista, en Pascal Obispo, nascut a Bergerac, a Dordogne, el 1965. El seu primer grup el va fundar l'any 1988 i després va obtenir l'èxit. I ens encanta, perquè des de sempre ha estat un artista que nosaltres, a mi concretament, m'agrada moltíssim. Pascal Obispo, en Le Dernier Rendezvous, ens acompanyava també en aquest programa. Abans ho havia fet Francis Cabrel, l'escoltàvem amb el Sarvacan, un altre dels seus grans temes. Voleu escoltar més artistes? Estem a la recta final del nostre programa, però encara tenim temps de sentir, per exemple, a Patrick Bruel, el cantant francès nascut a Algèria el 1959. Un altre que, com en Pascal Obispo, també volia ser futbolista i que va acabar sent cantant. La plaça dels grans homes. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes.

embrasse-moi, chérie, ça suffira. Tout mon chagrin, chérie, s'envolera. J'ai pardonné d'avance, et tu le sais déjà. Pour moi la vie commence entre tes bras. Pourquoi parler d'amour? L'amour est là. Ne me dis pas toujours, mais garde-moi. Chaque baiser de prise, c'est ma victoire à moi. Embrasse-moi, chérie, ça suffira.